Fin janvier 2003. Chapitre 21e. Une distance toujours plus grande. Monique Plantier était à présent de retour dans sa petite maison, et elle en était plus qu'heureuse. Elle était soulagée que ces maudites fêtes soient passées. Pierre et Nadine s'étaient, comme d'habitude, montrés pleins d'attention, mais l'atmosphère était décidément trop lourde. Plus que jamais, elle sentait que son fils n'était pas heureux. Il avait pris un coup de vieux. À présent, son enthousiasme était forcé. Il semblait constamment jouer un rôle, sans doute pour ne pas alerter Nadine, qui commençait enfin à remonter la pente. Il faut dire que les repas qu'elle avait préparés étaient succulents, et mieux, elle avait semblé y prendre plaisir. Monique n'avait pas dû se forcer pour dresser de belles tables comme elle savait si bien le faire. Pierre avait vaguement aidé. En fait, il s'était surtout concentré sur le choix du vin, passant beaucoup trop de temps à son goût à la cave. Non qu'il fût alcoolique, mais Monique Plantier avait fini par comprendre son petit manège. Il cherchait à s'isoler. D'ailleurs, n'avait-il pas ramené une énorme pile de dossiers alors qu'il était supposé être en vacances? Cela ne lui ressemblait pas. Puis, pourquoi ne sortait-il plus en bateau? Certes, la météo était médiocre, mais il avait connu bien pire. Il était un véritable enfant de la mer. Non, quelque chose clochait. Certes, elle avait déjà eu des soupçons les autres années, mais jamais elle ne s'était tant questionnée. Pierre n'avait pas évoqué les enfants une seule fois, et elle n'avait pas posé de questions, car, pour être honnête, elle s'en moquait complètement. Plus que jamais, elle avait le sentiment qu'ils avaient tout détruit, et il semblait bien que leur père n'avait tout simplement plus la force de faire bonne figure. Elle sentait confusément qu'il se sentait coupable, mais le pourquoi était plus difficile à définir depuis qu'il tenait son cœur si verrouillé. Non qu'il se montrât désagréable avec elle, il l'aimait avec la même profonde affection qu'auparavant, mais il ne lui parlait plus vraiment. Aujourd'hui, les sujets de conversation se limitaient au jardin, qu'il arrangeait maintenant avec un soin quasi maniaque, lui qui, il y a peu encore, s'en souciait comme d'une guigne. Le bateau lui pourrissait lentement au port. C'était d'autant plus étrange qu'il l'avait toujours traité comme son jouet le plus précieux. À présent, il projetait de le mettre en cale sèche pour l'hiver. Monique Plantier ne pouvait s'empêcher d'en ressentir une profonde tristesse, car son Pierre ne se serait jamais comporté de la sorte dans le passé. Heureusement, Pierre avait eu la très bonne idée d'inviter Jean Cartrieux, et dès que celui-ci était arrivé, l'atmosphère s'était tout de suite détendue. C'était l'un des rares amis de Pierre à ne pas avoir fui après l'accident. Rien que pour cela, Monique Plantier lui en serait éternellement reconnaissante. Autre point positif, Jean était un bon vivant, qui savait mettre de l'ambiance comme personne. C'est lui qui avait décidé du sort du bateau, car s'il y avait une chose qu'il détestait au-delà de tout, c'était bien le jardinage. Aussi, au bout de 2 jours, et parce qu'il avait besoin de prendre l'air, il avait demandé à Pierre de sortir en mer. Certes, Pierre avait un peu renâclé, chose incroyable quand on le connaissait, mais il avait rapidement cédé devant Jeannot. Monique Plantier avait alors proposé de tenir compagnie à Nadine. Les hommes étaient restés plus de 3 heures en mer et, quand ils étaient rentrés, il y avait bien longtemps qu'elle n'avait pas vu son Pierre aussi détendu. Pourtant, il n'avait pas bu. Elle ignorait ce qu'il s'était dit, mais Pierre lui était apparu comme rasséréné à son plus grand soulagement. À sa plus grande joie, le bateau avait été de sortie durant toute la semaine, et Pierre avait facilement oublié ses outils de jardinage. Il y avait même eu une séance mémorable de cuisine, où Jeannot mit un désordre indescriptible, mais où tout le monde s'était régalé du résultat. Seulement, Monique Plantier n'était pas dupe. Elle savait que tout cela n'était qu'un répit, dont malheureusement elle ne pouvait prédire la durée. Jeannot devrait bien rentrer chez lui un jour, même s'il n'eût pas hésité un instant à prolonger son séjour si le besoin s'en était fait vraiment sentir. Sous ses airs débonnaires, ce Jeannot était loin d'être un imbécile, il n'était pas notaire pour rien. Lui aussi avait dû sentir que quelque chose n'allait pas. C'est pourquoi, avant de repartir, Monique lui avait demandé sa carte. Elle ne s'interdisait pas de le contacter à un moment ou à un autre, si la situation le justifiait. Si un jour elle devait faire part de ses questionnements à quelqu'un, elle préférait que ce fût à lui. Il est vrai qu'elle y pensait de plus en plus. Elle se doutait bien que Jeannot avait aussi dû chercher à cuisiner son Pierre, et certainement avec plus de métier. Elle devait bien reconnaître que dans ce domaine, elle était loin de posséder les mêmes armes que lui. Elle n'en avait simplement pas la formation.